Chapitre 20e, dans l'eau. Paulin Broquet n'avait plus qu'à maintenir son prisonnier à terre, à paralyser ses soubresauts, anéantir les derniers efforts qu'il faisait en se débattant, tout en accablant d'injures son vainqueur. Il n'avait qu'à le garder ainsi jusqu'à ce que ses hommes arrivassent, et cela ne devait pas être long. Il entendait leurs cris se rapprochant, leurs pas de course. Paulin Broquet était tombé avec Zigomar juste au pied d'un des becs de gaz éclairant le pont. Couché sur son ennemi, il pouvait, tout en le tenant, pesant de tout son poids sur sa poitrine, le regarder. « Oui, disait-il, oui, c'est bien toi. C'est toi, comte de la Guérinière ou autre. C'est bien toi, Zigomar. Mais je veux voir mieux encore qui tu es réellement. Si c'est toi, toujours toi. Je t'ai marqué, comte de la Guérinière, quand tu t'es battu avec le capitaine de Rennebois, je t'ai marqué. Tu portes à la poitrine une tache indélébile que rien ne peut effacer. Je veux la voir, car elle me donnera la preuve que tu es bien le comte de la Guérinière, car elle me prouvera que le comte de la Guérinière est bien Zigomar. » Il se souleva un peu, tout en maintenant sa main gauche sur la gorge du comte, en lui pesant sur le ventre avec son genou. Puis, de la main droite, il tenta d'arracher les lambeaux de vêtements, de vestons, de gilets, qui restaient après toutes ces luttes. Mais le comte se débattait désespérément. Voyant qu'il n'arriverait pas aussi facilement, aussi commodément qu'il le voulait à son but, Paulin Broquet se couche à nouveau sur son ennemi. Le maintenant ainsi, écrasé sous son poids, il détacha du cou du comte la main gauche qui l'étranglait. Cette main, il la glissa derrière la tête, vers la nuque, à la jonction du crâne et de la colonne vertébrale. Puis, il appuya les doigts de la main droite à un point précis au creux de l'estomac. Il opéra une pression brusque des deux mains en même temps, et le comte cessa de gémir, de se débattre. Ses bras se détendirent, sa tête roula, ses jambes se plaquèrent au sol, il perdit connaissance, demeura inerte comme un cadavre. C'était un des trois coups secrets du jiu-jitsu que venait d'appliquer Paulin Broquet, coup terrible, irrésistible, qui permettent d'abattre un adversaire. Coup que l'on fait jurer aux adeptes de ne jamais employer qu'à la toute dernière extrémité, car ces coups, lorsque le jiu-jitsu en est très habile, ne provoque pas que l'évanouissement subi, mais amène, s'ils sont mal appliqués, infailliblement la mort. Paulin Broquet, voyant Zigomar inerte, posa sa tête sur sa poitrine, écouta, et se rendit compte que le cœur battait. « Bon, » dit-il. Vivement, il fit sauter le gilet, déchira la chemise, arracha le tricot de soie, et il mit à nu la poitrine du comte. Alors il poussa un nouveau cri de joie, de triomphe. « La marque, la voilà !» Voilà la tache jaune que je t'ai faite. » Mais à ce moment, Paulin Broquet se sentit violemment écarté de son prisonnier, bousculé et roulé. Tout à la joie de sa découverte, il ne pensait en cet instant qu'à cette tache qui lui donnait la solution tant désirée du problème angoissant. Il ne voyait que cette poitrine marquée par lui. Il oubliait tout le reste, croyant sans doute aussi que ces hommes qui accouraient étaient tout près et allaient le seconder. Surpris par cette soudaine attaque, il roula à terre. Mais il se ressaisit aussitôt et revint au comte de la Guérinière. Devant lui, protégeant le vaincu, se dressait le brigadier. Le brigadier furieux voulait se venger de ce que lui avait fait cet homme qu'il avait jeté à terre, lui, brigadier de police, et qu'il tenait maintenant avec une intime conviction pour un bandit des plus dangereux, dont la capture s'imposait absolument. Devant cet homme donc, que dès la première rencontre il prenait pour un forcené, et qu'il retrouvait plus que jamais acharné après sa victime pantelante, anéantie. Il avait, comme le lui prescrivait le règlement, mis sabre au clair. Il espérait, en le menaçant de son arme, maîtriser ce bandit terrible, cette bête féroce. Paulin Broquet vit que, sans s'en douter aucunement, ce brave brigadier travaillait pour Zigomar. Et sachant qu'il ne pourrait comprendre aucun raisonnement, qu'il ne saurait même pas entendre la moindre explication, il ne voulut pas s'attarder à entamer une nouvelle discussion et passa outre. La minute n'était pas aux palabres, mais aux actes prompts et décisifs. Les Broquets étaient plus loin encore qu'ils ne le croyaient. Et de l'autre côté du pont, des aides accouraient. Or, Paulin Broquet ne voulait pas recommencer à disputer son prisonnier. Il comprenait que la force humaine avait des limites, même chez des natures trempées comme la sienne. Il savait aussi que les aides, à présent, n'hésiteraient pas à le poignarder, à l'assommer, ou à lui brûler la cervelle. Le comte évanoui ne pouvait s'enfuir. Il avait donc le temps de faire face à son nouvel et intempestif adversaire. Il fallait, de toute nécessité, se débarrasser de ce brave brigadier de police qui faisait si bien le jeu des bandits. Et ce fut avec le brigadier qu'il entama la lutte. Éviter le coup de sabre fut pour lui chose facile. Il entra, selon le terme de sport, dans son homme. Il commença par le désarmer, puis il le repoussa, essaya de le ceinturer, de le coller à terre. Mais le brigadier était un poids lourd. Il connaissait aussi la lutte et il était vigoureux. De plus, il mettait de son côté de la rage et il tenait à prendre cet homme, à remplir consciencieusement son devoir, qui est d'arrêter les malfaisants. Les gens dangereux, comme à ses yeux, semblaient être ce forcené. Il luttait donc avec Paulin Broquet. Écarté, repoussé, il revenait à la charge. À chaque reprise, le détective lui disait dans le corps à corps « Je te dis que je suis Paulin Broquet, je te dis que l'homme que j'ai pris est Zigomar. » Le brigadier, de plus en plus furieux, répondait par un juron et il revenait plus ardent à la bataille. En luttant, les deux hommes firent un faux pas contre le rebord du trottoir et roulèrent à terre, près du garde-fou de la balustrade de fer du pont. Dans la chute, ils se lâchèrent. Plus leste, Paulin Broquet se releva le premier. Il revint à son obstiné adversaire. « Allons, dit-il, tu me ferais manquer mon affaire, il faut en finir. » Et comme le brigadier se relevait et accourait à lui les bras tendus pour le reprendre, Paulin Broquet lui saisit les poignets. Il fit passer ses poignets par-dessus sa tête. Il se courba alors et plaça sur son dos le brigadier comme l'effort de la halle fond d'un sac. Il se pencha ensuite sur la balustrade du pont et donna un coup de rein, et l'envoya le brigadier plonger dans le canal. Quand Paulin Broquet se retourna, il se vit entouré par ces hommes que conduisaient Gabriel et Lamorce. « Zigomar !» cria Paulin Broquet. « Zigomar est là !» Il courut à l'endroit où le comte de la Guérinière gisait évanoui, inerte comme un cadavre. Alors, il poussa un cri de rage. Zigomar n'était plus là. Mais sur le pont se lisait, à l'allure falote du bec de gaz, un grand Z tracé avec du sang. De l'autre côté du pont, des cris retentirent. « À la vie, à la mort, vive Zigomar !» Et une auto démarra à toute vitesse. Paulin Broquet alors tranquillement se mit à rire. Puis il se pencha sur la balustrade. « Allons bon » s'écria-t-il. « Le brigadier qui se noie. Je vais sauver ce pauvre diable. » Et à son tour, il plongea dans le canal.